Voilà, bonjour monsieur, je m'appelle Malik Krain. Moi, c'est ma question, c'est quoi l'armée des saluts exactement? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer de faire très court. Et l'histoire de l'armée des saluts. Voilà, donc l'armée du salut, c'est un mouvement chrétien protestant qui est né aux alentours, alors la date exacte, aux alentours de la moitié du 19e, donc au moment de la révolution industrielle en gros, à Londres. L'initiateur de ce mouvement s'appelle William Booth. C'était un chrétien protestant méthodiste. C'est important pour la suite de l'histoire. Ce monsieur William Booth travaillait pour un prêteur sur gage à Londres, et donc c'est à l'époque de la révolution industrielle, donc où une grande partie de la population se retrouvait sur le carreau parce que ben, les petits artisans, etc., étaient mangés par les grosses industries. Hein. Alors maintenant, les grosses industries mangent les moins grosses industries, mais c'est, je dirais que ça se démultiplie et ça n'a pas vraiment de limite. Et donc, ce qu'il a constaté, c'est que les personnes qui venaient déposer, donc le prêteur sur le gage, c'est ce qu'on appelle le mont-piété. Hein. Les gens venaient avec des choses dont, des choses qu'ils possédaient. Ils les déposaient pour avoir un prêt d'argent, et puis en principe, ils devaient venir ramener l'argent avec un petit intérêt pour récupérer leurs objets. William Booth s'est rendu compte que les gens ne venaient pas récupérer leurs objets. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils dépensaient l'argent et puis voilà, c'était juste pour survivre. Il s'est aperçu à cette époque qu'il y avait énormément de personnes qui sont dans l'alcoolisme, dans la prostitution. Beaucoup de femmes étaient prostituées et puis des gens vivant en rue, y compris des enfants. Donc il trouvait que c'était contraire à sa propre éthique, à ses propres valeurs chrétiennes. Il a dit « mais il y a quelque chose à faire ». Donc il est allé à la rencontre de ces personnes et il s'est rendu compte que lui avait un arrière-plan chrétien qu'il partageait, mais il s'est rendu compte aussi que ce n'était pas ce dont les gens avaient besoin en priorité. Alors à l'armée du salut, on dit toujours aujourd'hui, hein, il y a les trois S, soupe, savon, salut, c'est-à-dire d'abord la personne a besoin de manger, il faut lui donner ce dont elle a besoin. Ensuite, savon, c'est quoi ? Ben, c'est toute la dignité, le fait d'être habillé correctement, d'être propre, etc. Et puis le salut, ben, si les personnes accrochent à ce message, après c'est leur responsabilité, leur croyance. Alors, ben, il a eu son petit succès, effectivement, et les personnes petit à petit s'en sortaient, et un certain nombre de personnes qu'il contactait étaient aussi intéressées par l'aspect salut, donc par l'aspect foi chrétienne, ça les touchait ce message. Il les a donc amenés dans son église méthodiste et on lui a dit « William, t'es bien gentil, mais c'est pas le genre de la maison parce que les gens ne parlaient pas bien, n'étaient pas toujours très corrects, etc. » Donc il s'est dit « ça ne marche pas » et donc il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée du salut. Alors, ça peut sembler bizarre, hein, l'armée, parce que l'armée, je vous rassure, ils n'ont jamais été armés de fusils. Mais pourquoi armée ? Ben, y a deux raisons. Tout d'abord, il a compris William Booth qu'il fallait mettre en place une structure bien organisée. Alors c'est toujours un principe que d'autres aussi ont utilisé à différents niveaux, mais une personne est exclue dans une situation pas possible, elle n'a plus rien pour vivre, etc. Elle a un problème d'alcool par exemple. Eh bien on va petit à petit travailler à toutes ces problématiques-là et à un moment donné elle va se stabiliser. Elle va arrêter de boire, elle va retrouver la possibilité de travailler de différentes façons. Il faut savoir que William Booth a commencé aussi avec un petit peu le système des microcrédits, hein, quelque chose dont on parle aujourd'hui. Donc, il donnait un peu d'argent, avec ça, les personnes achetaient un peu des poules ou que sais-je, ils vendaient les œufs, ils gagnaient de l'argent, ils remboursaient le crédit et ils pouvaient comme ça développer une petite activité commerciale. Donc, c'est un petit peu un des principes qu'il a utilisé, mais beaucoup d'autres principes aussi. Et alors, je ne sais plus où j'en étais parce que je me suis un peu perdu dans mes explications. Ça m'arrive de temps en temps. Et donc, cette structure de l'armée du salut, c'était aussi le fait qu'une personne qui s'en sortait pouvait aider une personne qui était encore dans la misère, dans l'alcoolisme, etc. Et donc, d'où cette nécessité de mettre des grades. Donc, aujourd'hui, moi, je suis stabilisé, je peux m'occuper d'une dizaine de personnes. Puis quelqu'un qui est stabilisé depuis plus longtemps, qui a déjà mis en place un tas de choses, va pouvoir s'occuper d'un certain nombre de personnes qui sont déjà stabilisées, mais qui doivent encore évoluer, etc. Donc c'est un petit peu le principe. Autre raison pour laquelle ça s'appelle aussi une armée, c'est que William Booth disait « Tant qu'il y aura des femmes qui se prostituent, tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas à manger, etc., je me battrai. » Donc c'est un combat, et c'est un combat tous les jours. Et aujourd'hui, l'armée du salut continue à se battre. Il faut quand même savoir, non ? Souvent on ne sait pas tout ça, mais l'armée du salut a aussi eu un rôle important à différents moments au niveau de l'histoire. Il s'est battu contre la... encore aujourd'hui, au niveau de l'ONU, l'armée du salut a une représentation pour se battre contre la traite des êtres humains, par exemple. Ils le font depuis bientôt deux siècles. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bagne de Cayenne, donc c'est en Guyane française, et bien... l'armée du salut a été militante pour qu'on ferme ce bagne. Alors, il n'y a pas que l'armée du salut, beaucoup d'autres se sont levés par appel et représentés sur les cinq continents. En Belgique, c'est depuis 125 ans, si mes souvenirs sont bons. Elle répond à la fois à des besoins ponctuels. Donc, il se passe un événement, elle peut intervenir. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre en Italie, à l'Aquila, si vous avez entendu parler. Paris nous a appelés en disant ils ont besoin de couverture, nous on en a, mais on n'a pas de véhicule. Ben, nous, on a un véhicule, c'est bon. On a préparé le petit camion, il est parti à Paris, il a chargé les couvertures, descendu à l'Aquila, déchargé les couvertures, retour à Bruxelles. Donc, c'est ponctuel, il y a un besoin, on répond, et puis voilà. À côté de ça, on a aussi des réponses beaucoup plus structurelles, plus durables. Donc, par exemple, ici, c'est une maison d'accueil qui existe depuis les années 60, et déjà avant, hein, depuis le début du XXe siècle, l'armée du salut faisait déjà de l'hébergement sur Bruxelles parce qu'il y avait un besoin. Donc ce besoin a continué d'exister, donc on a continué à répondre à ce besoin. On va aussi répondre dans les différents pays, les endroits où on se trouve en fonction de la nécessité. Par exemple, ici, on n'a pas d'école, mais en Haïti, où l'État organise plus ou moins pas grand-chose, eh bien il y a un réseau d'écoles géré par l'armée du salut. On va construire un orphelinat à tel endroit, on va, voilà. Donc c'est vraiment en fonction des besoins, et donc en Belgique, on a donc ce foyer pour hommes avec 77 lits, on a le foyer CELA, qui je crois fait une centaine de lits à peu près pour les demandeurs d'asile, que ce soit hommes, femmes, enfants, famille ou pas famille, enfin voilà. On a une autre maison qui fait à peu près la même capacité que nous, qui s'appelle le foyer, toujours pour des hommes. On a une maison pour femmes avec enfants, souvent des femmes battues en grande difficulté, etc., à Uccle. On a Clermatin qui est une maison pour qui a 49 lits pour enfants, donc pour mineurs d'âge, placés par le juge, enfin voilà, différentes origines. On a un service d'habitat accompagné, donc pour des personnes qui sont, par exemple, qui sortent de maison d'accueil, qui ont besoin d'un suivi pendant un temps. Donc ils ont un logement, mais ils vont être suivis au niveau administratif, au niveau social pendant un certain temps. On a aussi un service d'aide aux familles qui distribue des colis alimentaires à des personnes défavorisées. On a aussi la médiation de l'aide, donc un service officiel qui permet de gérer un certain nombre de gérer les biens de personnes qui sont mises en difficulté à cause d'un endettement important. Et donc ça c'est sur Kuckelberg. Donc voilà, on a quand même une palette assez large finalement de services, et toujours en fonction des besoins qui ont été rencontrés. Est-ce que tous les armées de salut ont le même service partout, la même chose ? Non, enfin, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Donc, d'abord en fonction des pays, etc. Et donc en fonction des besoins de chaque pays, l'armée du salut va s'adapter. Mais aussi, je dirais en Belgique, on a pas mal de services différents et on a des besoins différents. Et l'armée du salut peut aussi toujours créer de nouvelles structures si besoin est, mais si aussi on peut trouver des financements. Ça, c'est un peu une des grandes difficultés. Donc, je dirais que l'armée du salut a encore des projets aujourd'hui, même si ça met souvent du temps à se concrétiser pour des raisons notamment financières. Mais voilà, en France, par exemple, il y a, je pense, pas loin d'une centaine de services différents. Mais nous, rattachés à la France, on a des séminaires communs, etc., avec, par exemple, des réponses au niveau du handicap. On n'a pas ce genre de service en Belgique actuellement parce que il est clair qu'en France, il y a un besoin qui n'existe pas en Belgique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quand je dis un besoin, il n'y en a pas chez nous, ça ne veut pas dire qu'il y en a un handicapé en Belgique, en France, mais simplement les structures existent et beaucoup de Français sont en Belgique actuellement, hein, parce que ces structures existent et tournent relativement bien sur le plan aussi financier, des subventions, etc. Mais donc, en France, où il y a ce besoin, l'armée du salut y répond. On a des maisons de repos pour personnes âgées en France, par exemple. Donc voilà, c'est très très diversifié de l'offre. Pourquoi faire travailler les gens du chômage et de l'article 60 pourquoi pas le faire travailler avec un contrat normal? Parce qu'il faudrait qu'on soit riche. Donc, il faut savoir qu'un contrat avec des charges sociales pour un personne peu qualifié, c'est certainement 30 à 35 000 euros par an. Donc, je parle avec les charges patronales, etc. Donc, c'est évidemment pas dans nos moyens financiers. Donc, on a un budget ici d'à peu près 1 450 000 euros, hein, ce qui semble énorme. Mais en réalité, rien qu'au niveau masse salariale, je pense qu'on tourne aux alentours des 800 000 euros actuellement. Donc, c'est assez impressionnant. On a un bâtiment absolument gigantesque qui nous coûte enfin, des fortunes en énergie, par exemple. Plus le fait qu'on doit investir en bâtiment, dans des véhicules, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on occupe des personnes? Il faut quand même savoir que donc dans le passé, si on vient dans les années 80-90, la plupart des résidents étaient occupés dans le centre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a beaucoup de personnes qui sont occupées à l'extérieur. Ce qui importe pour nous, ce n'est pas que les personnes soient occupées dans notre centre, c'est qu'elles soient occupées. Pourquoi l'occupation? Parce qu'on a un certain nombre de résidents, pas tous, mais un certain nombre qui... je dirais, ne sont plus très structurés au niveau de leur vie. Donc, si par exemple vous avez un ancien consommateur d'héroïne ou d'autres produits, eh bien ces personnes vont organiser leur temps autour de la consommation. Ça veut dire qu'elles vont se lever à 2h du matin parce qu'elles ont besoin à 7h d'une dose, le lendemain elles vont se lever à 3h parce que c'est l'heure où, à 4h d'après-midi elles sont en train de dormir. Voilà. Donc quand une personne arrive chez nous, on exige finalement qu'elle respecte un horaire. Alors quand je dis on exige, on lui réapprend, parce que ça prend parfois du temps, on négocie beaucoup, on individualise énormément, mais on essaie que la personne retrouve un vrai rythme de vie qui soit compatible avec par exemple une activité en tant que salarié, mais aussi si vous avez même votre appartement, vous êtes complètement déstructuré, même si vous ne travaillez pas au bout d'un temps, ça va pas fonctionner. On a besoin de se calquer sur des heures aussi de vie, de la ville par exemple. Il faut savoir que l'administration, si vous arrivez à 6 heures, elle est fermée, on est bien d'accord. Donc, si vous devez faire des démarches, vous devez vous lever à l'heure, vous devez les faire en temps et en heure. Quand le chômage vous dit, vous devez vous présenter, vous oubliez de le faire. Mais... Donc ici, on va réapprendre tous ces mécanismes-là au travers de l'occupation dans le centre, à l'extérieur, soit en tant que salarié, quel que soit le type de contrat, soit dans une formation. On a des jeunes scolarisés, on a des gens qui sont en centre de jour, soit en guidance dans les centres de santé mentale, soit en guidance dans les centres qui s'occupent plus de toxicomanes, c'est le cas de transit, ou je dirais tout autre type d'activité. Ce qui importe, c'est que les gens soient obligés de se lever à une heure définie, manger à l'heure, parce que tout ce rythme, bien sûr, est établi dans le centre. Et voilà, maintenant, il y a aussi des gens qui parfois font des articles 60, parce qu'on est entreprise d'économie sociale, je ne vais pas venir dans tous les détails. Et il arrive qu'elle le fasse ici quand il n'y a pas d'autre possibilité, puisqu'on essaye, quand une personne commence un article 60, que ce soit à l'extérieur, de manière à ce que la personne ait déjà un pied dehors. Le but, ce n'est pas de les garder ici, mais c'est des années à retrouver un logement, et voilà. Est-ce que vous recevez des obsides et des dons? Oui, donc au niveau des dons financiers, très très peu. Par contre, on a beaucoup de dons en matériel, puisqu'on a un magasin de seconde main et que tout ce qu'on vend ici a été donné par la plupart du temps des particuliers. De temps en temps, des firmes qui nous contactent parce qu'elles ont tel produit qui a été reconditionné, parce qu'elles ont un surplus. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. De temps en temps aussi des successions, personnes qui au moment où elles décèdent ont fait un testament en disant l'armée du salut, je fais don par exemple du mobilier à l'armée du salut. Donc ça arrive, mais la plupart de ce qu'on a ici vient de particuliers, la plupart des objets qu'on voit ici viennent de particuliers. Donc là c'est la partie don. Au niveau des subventions, la plus grosse subvention c'est la commission communautaire française, la COCOF, qui nous subventionne pour 14 équivalents temps plein. Donc au niveau de notre personnel, on en a à peu près 18, un petit peu moins de 18 actuellement, donc une partie en fonds propres et sur d'autres subsides. Et donc il y a 14 équivalents temps plein subventionnés à 100% par la COCOF. Ensuite, elle nous donne aussi une participation aux frais de fonctionnement, bien sûr pas la totalité, mais une participation. Voilà, avec différents subsides parfois exceptionnels, enfin je ne vais pas entrer dans tous les détails. On a aussi une petite subvention par rapport au recyclage, puisqu'on a entreprise d'économie sociale active dans le domaine du recyclage. Et là, ça représente d'une année à l'autre. L'année dernière, on a eu 16 000 euros en gros de subvention. Ce n'est pas énorme pour un budget d'1,4 million, mais c'est de l'argent qui rentre et qui est bien utile pour un tas de choses. Il y a une année, on n'a rien reçu parce que ça, c'était pas, on n'avait pas suffisamment bien travaillé. Puis, donc, on essaye de, voilà, là aussi, travailler de manière assez professionnelle pour avoir quand même ces subsides qui tombent. On a un mi-temps équivalent temps plein qui est subventionné dans le cadre du Maribel Social. Donc, ce sont des contrats particuliers qui sont renouvelés depuis 2005 maintenant. Et on a aussi le fonds BEC qui contrebalance les réductions de temps de travail. Donc, à la COCOF, on a une réduction à 45 ans, on passe de 37 à 34, on passe à 34 puis à 32 heures. Et ces heures-là sont comblées par un fonds qui s'appelle le fonds BEC. C'est à peu près 40% équivalent temps plein actuellement. Ça, c'est l'ensemble des subventions. Quand les gens, ils ont fini leur temps d'être là, est-ce que quand ils partent, ils sont contents de partir ou bien... Il y en a qui sont contents, il y en a qui le sont moins. Généralement, on prépare le départ. Généralement, quand c'est possible. Donc, on essaye toujours de dire, voilà, vous êtes ici pour un temps, il va bien falloir, à un moment donné, partir. Alors, on n'a pas chez nous de limite dans le temps. Une personne qui arrive chez nous, elle peut rester le temps nécessaire. Mais, imaginons qu'une personne ait de l'argent de côté suffisamment pour retrouver un logement. On va à ce moment-là lui dire, ben voilà, dans 3 mois, vous devrez avoir quitté la maison. Donc, ça, c'est une des raisons de départ. Ensuite, il y a des gens qui sont chez nous, qui disent « mais ça ne me convient pas, j'en peux plus, je pars ailleurs ». Bon, on prépare ça avec elles, on essaie de trouver des solutions. On a des gens qui partent sur un coup de tête, ceux-là ne sont pas contents, parfois un peu en claquant la porte. Vous êtes des ceci ou des ceux-là, bon, ça arrive aussi. Ben, c'est loin d'être une majorité. En général, ça se passe très très bien. Et puis, voilà, donc, le but c'est que les personnes partent et on essaie de préparer ça avec elles. Donc, dès qu'une personne arrive chez nous, on leur dit « il faut penser au départ ». Alors, on va d'abord la recevoir, l'accueillir, lui permettre de se poser. Mais à un moment donné, il va bien falloir que la personne parte. Et là, on va travailler sur différents aspects, selon la problématique. Et ensuite, effectivement, la personne va devoir partir, mais elle le sait dès le départ. Donc, ça se passe généralement bien. Je pense que Christine, tu peux confirmer. C'est rare qu'il y ait vraiment des tensions. Il faut savoir aussi, peut-être une chose importante, c'est que dans beaucoup de centres d'hébergement, si... quelque chose se passe mal, imaginons qu'il y ait de la violence, on rentre avec une canette, on a quelque chose qui est interdit. Dans la plupart des maisons d'accueil, on va dire, voilà, vous prenez vos affaires, vous partez, chez nous pas. Presque dans 100% des cas, on laisse un délai à la personne, parce qu'on estime que, enfin, c'est ma position, mais encore une fois, ça ne regarde que moi, ça ne concerne que moi et l'équipe, je pense qu'on est assez d'accord. C'est une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir de mettre une personne dehors du jour au lendemain. On faisait ça dans le passé, on a revu complètement cette position, et aujourd'hui on donne des délais, généralement d'une semaine, souvent, que l'on va prolonger. Si la personne fait bien des démarches pour trouver une solution qu'elle ne trouve pas, ben on va prolonger le temps nécessaire. Donc, sauf quand il y a des faits de violence graves ou des dangers réels par rapport à l'équipe ou par rapport aux autres résidents, où il y a quand même des limites, évidemment, on est là pour assurer la sécurité. Mais dans les autres cas, il y a toujours un délai, donc ça se passe généralement relativement bien. Voilà, donc... Voilà, ma dernière question, quel est votre meilleur souvenir professionnel? Alors, en improviste, ça va être difficile de vous répondre à cette question-là, mais je crois que je peux dire que pour l'équipe, les meilleurs souvenirs professionnels, c'est quand on a une personne qui fait un séjour ici, qui repart dans de bonnes conditions, et pour laquelle on voit qu'il y a vraiment de vraies améliorations au niveau de son état. Une personne qui arrive ici très déstructurée, qui retrouve un équilibre, etc., qui à un moment donné retrouve aussi un équilibre de vie, un logement, éventuellement. Ce qui marche le mieux, très honnêtement, c'est la personne qui se remet en couple. Alors ça, c'est souvent ce qui sauve la personne. Pourquoi ? Parce que vivre seul, c'est quelque chose de difficile. Et c'est vrai, quand on a pu aider une personne à se reposer d'abord, hein, à se ressourcer, ensuite à commencer à entrer dans un chemin de progrès, et puis que la personne se réinstalle, et puis qu'elle nous dit « mais j'ai apprécié le travail que vous avez fait », parce que c'est quand même important, on est payé, mais en même temps, quand quelqu'un nous exprime de la gratitude, c'est super intéressant, super important. On a eu un très bel exemple, aujourd'hui, malheureusement, ça marche un peu moins bien pour lui, mais bien un jeune homme qui a passé, qui a, à mon avis, bien 4 ou 5 séjours chez nous. Quand il est arrivé, il était assez déstructuré. C'était le gars qui venait un peu, un peu du 9-2, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le gars qui était assez, il ne parlait pas très, avec beaucoup de politesse, etc. Alors on lui a dit, mais non, ça on n'accepte pas chez nous, on a un peu travaillé là-dessus, comment il parlait aux gens, le respect, etc. Ça a très bien marché jusqu'à un moment donné où ça a clashé, ça ne marchait plus, il est parti, il est revenu. Ok, ça t'a acquis, tu sais parler poliment maintenant, donc tu continues. On a travaillé sur le fait de se lever à l'heure, hein. Puis à un moment donné ça a clashé sur autre chose, il est parti, il est revenu. Puis 4 ou 5 séjours comme ça, et puis à un moment donné, il a trouvé une copine qui était une fille qui était bien, qui savait ce qu'elle voulait, c'était bien pour lui. Et puis il s'est réinstallé avec elle, ça a tenu pendant très longtemps. Alors ça fait partie des très bons souvenirs. Donc quand on voit qu'il y a le succès pour une personne qui à un moment donné arrive chez nous en souffrance, avec plein de problèmes, nous on ne résout rien, on n'est pas Dieu, la personne va résoudre ses problèmes, mais on espère qu'on peut l'aider à le faire, et c'est ça qui est gratifiant dans notre travail. Voilà, je vous remercie monsieur le directeur, merci beaucoup de votre accueil. Merci. Avec plaisir.